sensible à la fiction, aujourd'hui Marcel Bucard, procède un collabo, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Pascal Deux. À l'issue d'une semaine d'affaires sensibles consacrée à la décennie 34-44 en France, la fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de la collaboration et des collabos qui, dès les années 30, regardent vers l'Italie et Mussolini pour penser un système politique fasciste en France. Cette fiction nous raconte également le procès à la libération des deux chefs du parti franciste et collaborationniste, Marcel Bucard et Paul Guiraud. Derrière les Laval, Doriot, Déa et autres d'Arnan, on connaît bien, il y avait de nombreux hommes et femmes qui, par conviction politique, opportunisme ou goût du pouvoir, et qu'on connaît moins, ont choisi de se ranger derrière Pétain et de soutenir l'Allemagne nazie. Oh, ils ne formaient pas un parti unique, mais une succession de groupes, plus ou moins concurrents, mais tous anticommunistes. Parmi eux, Marcel Bucard, qui fonda à l'automne 1933 le francisme. Son but, nettoyer et relever la France, je cite bien sûr, et le faire comme Mussolini, avec lui comme modèle. Dissous en 1936 par le gouvernement du Front Populaire, le parti fasciste de Marcel Bucard, violemment anti-parlementaire, revient au devant de la scène dès la défaite de la France et l'installation à Vichy du gouvernement de la collaboration du maréchal Pétain. Il fallait à Marcel Bucard, en concurrence avec d'autres partis collaborationnistes, et pour s'attirer les bonnes grâces de Vichy et des Allemands, attirer un intellectuel, un penseur qui puisse théoriser le francisme. Ce sera Paul Guiraud, qui, comme le décrit Laurent Joly, notre invité aujourd'hui, dans son livre Les Collabos, Bucard n'a pas trouvé mieux que Paul Guiraud, philosophe chétif et péguiste, dévoyé pour le seconder, chanter ses louanges et théoriser la pensée du chef. Après la fiction, nous revisiterons cette histoire terrible, celle des collabos et des Français qui ont servi l'Allemagne nazie, avec notre invité Laurent Joly, historien donc, directeur de recherche au CNRS, auteur de « L'État contre les Juifs », paru en collection de poche cette année chez Flammarion, et « Les collabos » chez Talendier en 2019. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Marcel Bucard, procès d'un collabo, de Vincent Hazard. Réalisation, Pascal Deux. Maître Landowski, pourquoi acceptez-vous de défendre Bucard ? Parce que même les salauds sont des hommes et que tous les hommes méritent d'être sauvés. Et vous ? Le cas de Bucard m'intéresse. Mon mari l'a côtoyé pendant l'occupation. Ils étaient amis ? Oh, je n'irai pas jusque-là. Vous auriez pu choisir un procès moins politique pour faciliter votre retour. J'aime la difficulté. Et je trouve que cette épuration tourne à la chasse aux sorcières. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi il faut faire confiance aux cours de justice. Par ailleurs, je tiens à vous dire que je désapprouve les sanctions que vous avez subies. Vous n'êtes pas responsable des actions de votre mari pendant la guerre. Je suis toujours mariée. Pour le meilleur et pour le pire. La première femme secrétaire de la conférence des avocats mérite sa place au barreau. Merci de votre confiance. Je me ferai discrète. Je sais que nombre de nos collègues n'approuvent pas mon retour. C'est aussi un peu intéressé. Vous savez, le courant ne passe pas très bien entre Bucard et moi. Et vous comptez sur ma réputation dans le milieu de la collaboration pour établir le dialogue. Vous avez tout compris. Et nous n'avons plus beaucoup de temps. Comment vous sentez-vous, Bucard ? Qu'est-ce que ça peut vous faire, à vous ? Maître Rospar, le grand, je suis ravi de vous voir. Enfin, un visage ami. Je vais assister Maître Landowski sur votre dossier. Vous savez, mon travail n'est pas d'être d'accord avec vos idées. Mon travail est de vous éviter la mort. Les jurés sont tous des gaullistes comme vous. J'ai couru d'avance. Les jurés sont comme moi, effectivement. Ils ont besoin que vous leur expliquiez vos actes pendant ces 4 années d'occupation. C'est facile de juger a posteriori. Moi, je suis un soldat, un homme d'action. J'ai choisi de suivre le maréchal jusqu'au bout, par fidélité militaire. La fidélité, ça veut encore dire quelque chose, Landowski. Mais Bucard, vous qui n'avez jamais reculé au front, Quand Pétain a demandé l'armistice, quand il a serré la main d'Hitler, ça ne vous a pas horrifié ? Il n'avait pas le choix. C'était déjà trop tard. Tout était pourri de l'intérieur. Collaborer avec l'Allemagne, c'était la seule solution pour redresser la France. C'était une chimère. Comment avez-vous pu penser un instant que les Allemands vous auraient laissé la redresser ? Je n'aurais jamais accepté la soumission. Pour moi, la collaboration devait être avant tout une alliance. Mais nous avions perdu. Les Allemands n'avaient aucune intention de faire une alliance. Et votre France aujourd'hui, est-elle sauvée ? Votre alliance avec Staline, que vaut-elle ? Bientôt nous aurons encore la guerre, la vraie. Celle contre les communistes. Évitons les débats idéologiques et restons-en aux faits, si vous le voulez bien. Pourquoi avez-vous suivi le maréchal jusqu'en Allemagne en 45 ? Par fidélité militaire. Mais pourquoi l'avoir suivi ? Et, je cite, « préférer mourir en combattant aux côtés des Allemands plutôt que vivre sous le joug de nos maîtres d'autrefois ». Parce que je préfère mourir plutôt que renier mes idéaux. C'est un appel à la trahison. Vos appels auxquels vos hommes ont répondu ont causé la mort de soldats alliés, dont des Français. Et sans parler des dizaines de vos partisans que vous avez envoyés à la mort. Chacun a son libre arbitre et doit être jugé sur ses actes. Justement, vous avez encouragé vos hommes à rejoindre la SS à partir de 43 et vous avez envoyé vos dernières troupes commettre des actes terroristes contre les alliés fin 44. Ce sont des actes qui vont vous conduire au poteau d'exécution. La vérité, c'est que je n'ai jamais donné ces ordres. Mais on parle d'articles signés de vous, dans votre journal. Certains textes étaient de moi, mais pas tous. Alors qui écrivait à votre place ? J'étais très occupé par la direction du mouvement et je ne regardais pas tout ce qui était publié. Il ment, c'est évident. Mais ça me paraît difficile de croire que Bucard ne lisait pas tous les articles qu'il signait. Vous connaissez Paul Guiraud ? Un petit peu. C'était le numéro 2 du Parti franciste et le rédacteur en chef du journal. On l'a arrêté avec Bucard. Il est détenu à Fresnes. Je ne le vois pas en éminence grise. De ce que je sais de lui, il n'a pas l'envergure. C'est un intellectuel. À l'opposé de Bucard, il n'a jamais tenu une arme. On dit qu'il est devenu alcoolique au fur et à mesure que les alliés gagnaient du terrain. Peut-être les affres d'une conscience récalcitrante. Allons lui rendre visite. Et Bucard, que lui est-il arrivé au visage ? Des blessures de guerre qui ne guérissent pas. C'est peut-être aussi un signe de sa mauvaise conscience. Monsieur Guiraud, pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré Marcel Bucard ? J'habitais à Strasbourg et je m'occupais de l'antenne régionale du Parti franciste. En quelle année ? J'ai pris ma carte en 1934. Vous venez d'une famille d'intellectuels. Pourquoi avoir choisi la politique ? Je suis très fier de mon engagement avec le Parti franciste. Le francisme est toujours pour moi la religion politique des vrais Français. La religion de ceux qui mettent la patrie au-dessus de tout. Vous étiez donc à la tête des sections francistes d'Alsace-Lorraine. 33 sections. Une des régions les plus dynamiques, avec des centaines de légionnaires. Comme les légions fascistes. Nous sommes fascistes. Ce n'est pas un secret. Et à Strasbourg, en 35, quelles étaient les activités des légionnaires francistes ? Comme tout mouvement politique, on vendait des journaux et on collait des affiches. On organisait des réunions publiques. Mais pas seulement. Je vois aussi des affrontements avec la police, avec les communistes. Et vous avez été arrêté pendant l'été 36. C'est exact. Vous étiez remonté contre le Front populaire et vous avez été condamné pour incitation à la rébellion et provocation au meurtre. Il faut remettre dans le contexte. Les communistes étaient aux portes du pouvoir, on s'attendait à un coup d'État. Et ce sont ces faits d'armes qui ont attiré l'attention de Bucard ? Peut-être. Il est venu à Strasbourg plusieurs fois et nous avons sympathisé. Et vous l'avez suivi à Paris ? Oui. Il vous a proposé un poste au sein du parti ? Il voulait que je construise la doctrine du francisme et que je m'occupe du journal. Il vous est arrivé de signer des articles en son nom ? Oui. Mais il les relisait avant ? Oui, bien sûr. Ça a toujours été le cas. Il n'y a jamais eu d'exception. Non. Et plus généralement ? Je suppose que c'est lui qui prenait toutes les décisions. Disons qu'il était consulté pour tout. Oui, mais vous, par exemple, Vous aviez un rôle dans les actions des légions ? Non. Il y avait un responsable au commissariat général à l'action révolutionnaire qui en référait à Bucard. Moi, j'étais commissaire général à la propagande. Alors, si je comprends bien, tout était très compartimenté et centralisé autour du chef, votre Führer. Le chef, simplement. Sans Marcel Bucard, il n'y aurait pas de francisme. Vous ne nous simplifiez pas la tâche, vous savez. Parce que votre patron nous a dit qu'il n'avait jamais demandé à vos partisans de rejoindre les nazis. Il n'a pas tort. Le mouvement a connu des difficultés à partir de 1943. Quel genre de difficultés ? Vous savez qu'il a été grièvement blessé pendant la Première Guerre. Sa tête le fait encore souffrir terriblement et c'est devenu insoutenable à partir de 1943. Au point d'affecter son rôle chez les francistes ? Il s'est mis en retrait pendant quelques mois, le temps d'une opération. Je n'avais pas cette information. Il n'en parle pas, mais il a été trépané. Les chirurgiens ont percé 2 trous dans sa boîte crânienne. Et malheureusement, l'opération s'est mal passée. Il en garde des séquelles physiques irréversibles, une paralysie faciale. Vous imaginez bien que ça a changé beaucoup de choses pour un homme qui portait le mouvement grâce à son charisme. Qui l'a remplacé ? En tant que commissaire à la propagande et numéro 2 du parti, j'ai fait de mon mieux. Vous prenez donc la responsabilité des actions du parti franciste à partir de 1943 ? Non. Non, j'ai été vite évincé. Si vous parlez des exactions dont on nous accuse, vous devez regarder du côté du docteur Rinsard. Le docteur Rinsard était le commissaire général à l'action révolutionnaire à partir de 1943. C'est lui qui a engagé les francistes dans la lutte contre les maquisards et les résistants. Vous étiez contre ? Oui. Et Bucard aussi ? Oui. Il n'était pas vraiment présent à ce moment-là. Où est Rinsard aujourd'hui ? Il est mort. Il a quitté les francistes fin 1943 pour rejoindre la SS avec pas mal de nos légionnaires. Nous avons fait bonne figure officiellement en affirmant que c'est nous qui lui avions demandé de le faire. Vous pourriez en témoigner ? Je ne sais pas. Il s'agit de défendre votre ancien chef. Votre témoignage pourrait être capital. C'est un procès politique de toute façon. Nous sommes jugés pour ce que nous sommes. Les gagnants de la guerre doivent faire table rase du passé. Pas du tout. Pétain a eu droit à un procès équitable et ça sera aussi le cas pour Bucard. Ma présence, malgré mon passé politique et celui de mon mari, prouve que les principes supérieurs de la justice sont respectés. Si vous acceptez de témoigner au procès de Bucard, cela peut aider votre propre défense. Mon procès n'est pas encore programmé. C'est très long. C'est bizarre. C'est un petit miracle que vous ne soyez pas encore passé en jugement, Guiraud. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est quoi cette histoire de voies du Seigneur ? Oh, c'est juste que Guiraud est non seulement le fils du rédacteur de la Croix, mais c'est aussi le neveu de l'archevêque de Rouen. Et à ce qu'on dit, l'Église fait pression pour que son procès soit retardé au maximum. Pour passer entre les mailles du filet ? Ou au moins le temps que l'hystérie vengeresse retombe un peu. Mais ça serait pas le premier pour des raisons politiques et sociales. De Gaulle et les Américains accordent des passe-droits à ce type de sinistre personnage. Il n'en renie rien de ce qu'il a fait. Il donne l'impression d'être certain de son idéologie. Pourtant, elle abandonne son idéologie. Tantôt pro-italienne, tantôt pro-allemande. Vous regarderez les documents venant des ambassades italiennes de 1934 à 1937, puis pro-nazis à partir de 1937, en fonction de qui les finançait, avec à la clé un salaire de 15 000 francs par mois pour Bucard. 15 000 francs ? Ça fait une somme rondelette pour quelqu'un qui disait mettre les intérêts de la France avant tout. Je ne vous le fais pas dire. Et Guiraud, l'idéologue, acceptait ça ? Il avalait les couleuvres. Ce rôle de caution intellectuelle d'un parti politique le faisait mousser auprès de sa famille. Ce n'est pourtant pas si prestigieux. Alors, je pense qu'il n'a pas les mêmes aptitudes intellectuelles que d'autres membres de sa famille, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous regardez de plus près, les collabos sont pour la plupart du temps des ratés. Des gens qui ont vu dans la défaite une chance de prendre leur revanche sur la vie. Rares sont les collabos idéalistes. Pardon, je ne disais pas ça pour votre mari. Ne vous excusez pas, vous avez sûrement raison. Mon mari avait des idées d'extrême droite, mais je crois qu'en réalité, c'est sa radiation du barreau qui a motivé son choix de rejoindre Pétain. Il avait commis un parjure avant-guerre et ne pouvait plus exercer. Il a travaillé à Vichy dans l'espoir de faire annuler cette décision. Dans les siècles troublés, la faiblesse devient crime. Nous y voilà. Un procès pour vous, Bucard. C'est tout de même vous faire beaucoup d'honneur. Bucard, un nom tellement ruisselant de trahison et de déshonneur que quand j'étais dans la résistance, nous estimions que nous n'aurions pas besoin de procès pour faire justice. Un décret de mise hors la loi, une comparution devant un tribunal pour constatation d'identité, et le poteau, tout de suite. La 4e République a voulu qu'un procès régulier fût fait pour tous les criminels. C'est tout à son honneur. Vous aurez donc droit à ce que vous avez refusé à tant d'autres. Un jugement équitable. On dirait que le procureur Vassard vous connaît. Ça ne me dit rien. Mais j'ai beaucoup d'ennemis. Le juif est toujours maître en France. Nous voulons la potence pour certains, le ghetto pour les autres. C'est un appel au meurtre. Ça n'arrange pas nos affaires. Il a attaqué fort en ressortant vos publications antisémites. Nous avons parfois dû faire des articles chocs. Et comme je vous disais, je ne les regardais pas tous. Cette ligne de défense ne tiendra pas. Vous étiez le chef, c'est inconcevable que vous ne relisiez pas les articles de votre journal. On peut comprendre que vous n'étiez qu'un petit parti, que vous deviez publier des articles outranciers pour faire parler de vous. Oui, il y a du vrai. Les mots ont parfois dépassé notre pensée, notamment sur les Juifs. Il faut répondre précisément là-dessus. Êtes-vous antisémite ? Mais non ! J'en ai même sauvé des Juifs. Lang va venir témoigner, et mon ancien cuisinier, le communiste, que j'ai fait passer en Suisse. Leur témoignage est important, mais beaucoup de nazis ont fait la même chose. Ils sauvaient quelques Juifs pour se donner une caution au cas où les choses tourneraient mal. Dans mon cas, c'était sincère. Je n'en doute pas. Une dernière chose, concernant les opérations que vous avez subies en 1943... Je ne souhaite pas en parler. On voudrait vous faire examiner. Ça peut jouer en votre faveur. Vous donneriez votre accord pour une expertise médicale ? D'accord. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai tiré un trait sur mon droit à une vie privée. Vous pensez sincèrement qu'on peut plaider la démence ? Il est effectivement très diminué, les médecins vont le voir. À ce stade, il faut tout essayer. Encore faut-il qu'il arrête de mentir. Il ne peut pas s'en empêcher. Non, mais il n'est pas stupide. Il sait qu'il joue. Vous nous parlez du docteur Rinsard, qui coordonnait les opérations militaires du mouvement franciste. Où est-il aujourd'hui ? Il est mort. Vous conviendrez que c'est plutôt arrangeant. Pourtant, c'est bien lui qui prenait les décisions. Maître Landowski, laissez-moi interroger votre client. Donc, vous nous confirmez sous serment que vous n'étiez pas au courant des exactions commises par vos hommes à partir de 1943. Nous étions dans une logique de lutte contre le terrorisme. J'ai appris qu'il y avait eu quelques dérapages que nous avons tout de suite sanctionnés. Avec quel type de sanctions ? Plusieurs légionnaires ont été exécutés pour les crimes les plus sérieux. Ce sont les Allemands qui ont exécuté les hommes dont vous parlez. Parce que même pour les nazis, leurs crimes étaient inacceptables. Permettez-moi, monsieur le président, messieurs les jurés, de prendre un instant pour vous parler de mon expérience en tant que procureur de la République à Troyes. Fin 43, nous avons vu arriver dans la région une équipe de francistes. Ils jouaient au maquisard. Et si de vrais patriotes mordaient à l'hameçon, ils les dénonçaient aux Allemands, voire dans les derniers mois, ils les massacraient eux-mêmes. quand enfin nous avons pu les identifier et ouvrir une instruction, ce que je craignais arriva. Ce sont les francistes, surarmés de mitraillettes, qui ramenèrent les gendarmes français au parquet. Leur chef me montra sa carte de la police allemande. Et puis en janvier 1944, les francistes allèrent même jusqu'à arrêter le commissaire de police par Vanchère, un compagnon de mon réseau de résistance. Sa femme tenta d'aller lui dire au revoir avant son départ pour l'Allemagne. Ils l'ont mitraillé sous ses yeux. Et par Vanchère n'est jamais revenu. Le juge que nous avions saisi pour ces crimes horribles a tenté de vous interroger, Marcel Bucard. Mais vous vous êtes dérobé. C'est faux ! Je n'ai jamais été contacté ! Silence ! Poursuivez. J'ai gardé la réponse que vous nous avez fait parvenir. La police allemande exige que ce soit elle seule, et non la police française, qui s'occupe de cette affaire. Vous étiez donc au courant. C'est faux ! Non. Je n'ai plus d'autres questions. La parole est à la défense. Scandale. Maître Landowski. Scandale. Silence. Mes chers confrères, monsieur le président, j'attire votre attention sur un fait qui n'a pas pu vous échapper. L'apparence de mon client n'est pas celle d'un homme en pleine possession de ses moyens. En effet, mon client, plusieurs fois blessé pendant la Première Guerre, victime d'une grave intoxication par hypérite, a reçu des éclats de grenade à la tête. Il a eu le tympan de l'oreille gauche crevé à Verdun. Depuis, ses blessures sont source de souffrances insupportables qui l'ont poussé à subir deux graves opérations courant 1943, deux trépanations qui se sont mal passées et qui n'ont fait qu'accentuer ses vertiges. Nous avons face à nous un homme régulièrement désorienté, qui n'a pas toutes ses capacités intellectuelles. C'est pourquoi nous demandons qu'une expertise médicale soit faite au plus vite. Les archives allemandes sont arrivées. Mettons-nous au travail. Espérons qu'il n'y ait aucun nouveau document à charge. On a le droit d'être optimiste. Deux jours avant la fin du procès. Nous aurions dû demander un report. J'ai essayé, mais il y a tellement de dossiers qui attendent. Et sinon, on a du nouveau pour l'expertise ? Pas encore. Eux aussi sont débordés avec tous ces procès. Je dois dire que l'envoi des archives allemandes s'est révélé être une véritable mine d'or pour l'accusation. S'il était encore possible d'en douter, nous savons maintenant que Marcel Bucard essaye de nous mener par le bout du nez. Il affirme qu'il ne lisait pas les articles signés de sa main, qu'il n'était pas au courant des atrocités commises par les francistes. Pour un chef de parti autoritaire, vous ne saviez pas grand-chose. On veut nous faire croire que Bucard n'a pas toute sa tête. Mais jugez plutôt. Nous avons ici une note envoyée au quartier général du Führer, signée par Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Elle est datée du 9 juin 1944, soit trois jours après le débarquement. Vous étiez bien à Paris à cette date, monsieur Bucard. Oui, mais je n'ai assisté à aucune réunion, j'étais convalescent. Pourtant, Otto Abetz écrit que vous avez répondu à sa convocation et qu'il vous a reçu avec les autres chefs collaborationnistes, Doriot et Déa. Il est noté noir sur blanc que vous avez proposé de mettre à la disposition de la Waffen-SS de nouveaux contingents de vos légionnaires francistes. Pourquoi aurait-il menti ? Non, je l'ignore. Mais il n'a pas menti. Le 9 juin 1944, monsieur Bucard, vous étiez valide, en pleine possession de vos moyens pour vous aplatir face contre terre devant l'occupant nazi. Vous étiez conscient quand vous avez envoyé vos hommes combattre contre les troupes alliées, y compris contre les soldats français qui libéraient leur patrie. Vous êtes un traître, Bucard, et votre déni fait de vous un lâche. Je ne vous permets pas. Je suis officier de la Légion d'honneur. Ce document est un faux. Et puis, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, je voudrais terminer par une dernière affaire qui est mentionnée dans les archives berlinoises. Un incident, mais qui en dit long sur l'accusé. Monsieur Bucard, vous rappelez-vous où vous étiez le 14 juillet 1944 ? J'étais incarcéré à la prison de la Santé. Pour quelle raison, Monsieur Bucard ? Mes camarades et moi avions été pris en chasse par une voiture et nous avions cru qu'il s'agissait de terroristes. Alors nous avons ouvert le feu et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait de policiers. Vous avez tiré sur la police française ? Pas moi, mais un des légionnaires, oui. Mais il s'agissait d'une méprise. Et vous avez donc été libéré rapidement ? Oui, j'étais innocent. Mais vous avez quand même eu besoin de faire intervenir votre ami l'ambassadeur Otto Abetz. Inutile de nier. C'est dans ses archives. Mais ce n'est pas tant de cela dont je veux parler. Nous connaissons désormais votre relation avec l'ennemi. Je veux juste attirer l'attention des jurés sur un détail du rapport de M. Abetz. Pouvez-vous nous dire d'où vous veniez quand la police vous a pris en chasse ? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus ? Eh bien, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous reveniez d'une bijouterie juive, où vous aviez fait une perquisition illégale. Quelle était la raison de cette perquisition, Monsieur Bucard ? Je ne sais pas. Je ne vois pas de quoi... Le rapport explique que vous aviez une attitude plus qu'ambiguë envers de riches familles juives qui cherchaient à se protéger. Vous promettiez une sorte de protection. Mais ce jour-là, la famille s'est rebellée. Vous avez voulu vous servir dans la bijouterie et la police a été avertie. On ne parle plus d'idéologie, là, Monsieur Bucard. On ne parle plus de trahison, de crime de guerre. On parle d'extorsion, d'abus de personnes en situation de faiblesse, des familles qu'on menace d'envoyer à la mort et que vous exploitez sans scrupule. On touche à ce que l'âme humaine a de plus abject et pathétique. Le héros mussolinien tombe de son piédestal. J'ai terminé, Monsieur le Président. L'expertise des trois médecins vient de tomber. La trépanation ne peut avoir de conséquences sur la volonté, le caractère ou la mentalité d'un individu. Pour eux, vous êtes pleinement responsable de vos actes. Je maintiens que je ne suis pas responsable de ces horreurs. Vous ne pouvez plus nier l'évidence. Il nous reste quelques heures pour revoir la plaidoirie. On va mettre en avant vos actes de bravoure pendant les deux guerres pour attirer la clémence du jury. Très bien. Mes citations parleront pour moi. Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Pourquoi ? On ne peut pas essayer d'en faire un héros. Pas après tout ce qui s'est dit, c'est indécent. Mais je ne vous permets pas. La seule chose qui peut encore vous sauver la vie, c'est d'invoquer le pardon chrétien. Nous sommes devant un tribunal républicain, pas à l'église. Je suis désolée. Mais je devais vous faire part de mon opinion. Nous n'avons pas beaucoup de solutions. Bucard, que voulez-vous faire ? Vous refusez de plaider coupable ? Je ne supplierai pas pour un pardon dont je n'ai pas besoin. Maître Landowski, je n'ai pas peur de mourir. Et vous le rappellerez très bien en exposant mes actes de bravoure sur le front. C'est vous, le fameux chef qui avait commandé ces hommes. La mort, vous ne pouvez pas l'éviter, Bucard. Il y a trop de morts qui vous appellent. Ils ont trop souffert. La cour a le droit d'entendre leur voix. Elle en a même l'impérieux devoir. Tout à l'heure, messieurs, mesdames les jurés, vous allez entrer dans votre chambre des délibérations. Vous vous recueillerez quelques minutes en songeant à ces morts. Quelques minutes pour leur rendre un nouvel hommage. Quelques minutes qui fixeront en même temps le destin de Marcel Bucard. C'était Marcel Bucard, procès d'un collabo, de Vincent Hazard, avec Jean-Luc Porraz, Catherine Tartarin, Christophe Brault, Pierre Rochefort, Marc Prin, et les voix de Olivier Cherki, Christina Crévillen, Norbert Ferrer, Thomas Othello-Pontier et Othello Villegard. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Manuel Couturier et Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Justine Dibling et Alexandra Garcia-Villa. Réalisation, Pascal Deux. C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les Tommy, l'autre aimait les Teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on s'est bien partagé les cordes des pendus, maintenant que John Bull nous boude maintenant, que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de cent ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts, des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous, révérence parlée, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vaut de croix. Et petit à petit, vous voilà devenus l'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant, j'en suis sûr, cher malheureux tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons. Si vous aviez vécu, si vous étiez ici, c'est vous qui chanteriez la chanson que voici. Chanteriez en trinquant ensemble à vos santé, qu'il est fou de perdre la vie pour des idées comme ça qui viennent et qui font trois petits tours, trois petits morts et puis s'en vont. Qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas, qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas. Que prendre sur le champ l'ennemi comme il vient, c'est de la bouille pour les chats et pour les chiens. Au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemis, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami. Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main, mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains. Que les seuls généraux qu'on doit suivre au talon, ce sont les généraux des petits soldats de plomb. Ainsi chanteriez-vous tous les deux ans suivants Marlborough qui va en guerre au pays des enfants. Ô vous qui prenez aujourd'hui la clé des cieux, vous les heureux coquins qui ce soir verrez Dieu, quand vous rencontrerez mes deux oncles là-bas, offrez-leur de ma part, c'est ne m'oubliez pas, c'est de myosotis fleuri dans mon jardin, un petit forget-me-not pour mon oncle Martin, un petit Fergist-Meinisch pour mon oncle Gaston, pauvre ami des Tommy, pauvre ami des Teutons. Affaires sensibles, la fiction. Je prononce ce soir des paroles très graves. Quand l'appareil administratif, la police ou judiciaire se révèle incapable de protéger les citoyens devant l'assassinat, quand les magistrats chargés d'appliquer les châtiments se dérobent à leur devoir, par peur ou par calcul plus ou moins intéressé, les citoyens sont fondés en conscience à se prémunir eux-mêmes contre les attentats et à les réprimer par leurs propres moyens. Ceci n'est pas une phrase, c'est l'expression d'actes déjà accomplis par nous. Je vous donne ma parole d'officier français que 6 de nos camarades assassinés ont déjà été vengés. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Marcel Bucard, collabo. Notre invité Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS, auteur du livre intitulé « Les collabos » chez Talendier. Bonjour Laurent Joly. Bonjour Fabrice Drouel. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, auteur de « L'État contre les Juifs », paru en poche cette année chez Flammarion, et « Les collabos » chez Talendier, livre paru, lui, l'an dernier. Nous venons d'écouter une archive d'un discours de Marcel Bucard, Salva Graham, le 15 novembre 1943, où il exposait le plan d'action antiterroriste des francistes, enfin c'est comme ça qu'il l'appelait, et on est vraiment dans le vif du sujet de la collaboration. Il s'agit de s'arroger le droit de se venger, ce qui revient, j'imagine, pour les collabos à rechercher une légitimité de la violence. Mais d'abord, se venger de quoi ? Se venger, c'est que à cette époque-là, on est en fin 43, les francistes ont basculé du côté de vraiment, ils sont au service de la Gestapo, ils infiltrent des réseaux résistants. Donc, en retour, vous avez des résistants qui vont exécuter des militants du parti franciste. Donc on est au bord de la guerre civile, la milice a bientôt arrivé au pouvoir en janvier 44. Donc c'est toute cette atmosphère-là que Marcel Bucard traduit dans son discours en se vantant d'avoir, de s'être lui-même vengé, de s'être vengé de l'exécution de francistes. Alors dans cette galaxie collaborationniste, on trouve de tout, hein, si j'ose dire, homme politique qui pense, mais qui pense vraiment, hein, dur comme fer, qu'il faut à la France un parti de l'ordre au pouvoir, il y a les dénonciateurs anonymes, lambda, qui ne pense rien, mais qui voit une manière de piller les familles dénoncées, embarquées par les nazis. Et puis il y a les supplétifs français de la rue Lauriston, de la Gestapo, ces gestapistes français, dont pas mal de membres de la Pègre, qu'on sort de prison, qui ne pensent rien, eux non plus, mais qui voient l'occasion de dominer leurs concitoyens jusqu'à la terroriser, eux qui étaient jusque-là des rebuts de la société. C'est la revanche des médiocres, cette galaxie. Oui, c'est la revanche des médiocres, et c'est aussi une sorte d'univers politique un peu factice. Les Allemands tenaient à ce qu'il y ait une scène politique avec une pseudo-gauche, avec une droite, avec une droite un peu catholique. Et Marcel Bucard, le francisme, il incarne, on va dire, la droite patriotique et catholique dans cet univers collaborationniste. Alors, il y a beaucoup de ratés, beaucoup de minables, mais aussi beaucoup d'illuminés, notamment chez Bucard, chez les francistes, où il y a un peu une atmosphère un peu scout avant le basculement radical de 43-44. On s'attend pas tellement à ça quand on voit ce qu'était le parti franciste au début de l'occupation et dans les années 30, puisque ce parti, vous l'avez rappelé en début d'émission, ce mouvement a été créé en 1933. Et dans votre livre, Les Collabos, où vous nous parlez entre autres de Marcel Bucard, et on va s'y arrêter parce que c'est aussi le personnage de notre fiction, Bucard. Qui est cet homme? Que pense-t-il? Que dit-il? Et que fait-il? Alors Bucard, c'est d'abord, ce qui le définit, c'est que c'est un pur produit de la Première Guerre mondiale. C'est un séminariste avant la guerre. Il a 19 ans, même pas, 18 ans et demi lorsque la guerre commence, et il va s'engager, il va être un grand soldat de la Première Guerre mondiale. Donc il va avoir plein de blessures, des citations, il va monter, il va finir capitaine. Voilà. Donc c'est un héros de la Grande Guerre. Et il fait partie de ces gens qui, après la guerre, considèrent qu'ils doivent s'engager en politique. Alors il s'engage dans le mouvement Anciens Combattants. Il s'engage à droite. Au début, c'est plutôt modéré. Il est chez Tardieu, qui est, on va dire, quelqu'un du centre-droit. Et puis, avec les années, il va basculer. Il y a Mussolini qui a pris pouvoir en Italie. Donc tout ça, ça lui parle. Les chemises bleues, les décidés au pas de loi. Hitler arrive au pouvoir en Allemagne en 1933. Donc il se dit, la France aussi devrait se doter d'un régime national-socialiste. Et il crée un mouvement, le Parti franciste. Alors, il n'est pas le plus doué dans cet univers-là. Il n'est pas le seul, évidemment, à penser à faire ça. Il y a des gens qui ont déjà commencé. Il y a déjà des croix de feu qui existent. Et donc, lui, dans les années 30, il est une sorte de second couteau, même à peine. C'est-à-dire qu'il est vraiment troisième ou quatrième dans un univers dominé par le colonel de la Roque, par Jacques Doriot à la fin des années 30 et le PPF. Et, bon, son mouvement, les francistes, il y a quelques milliers d'adhérents. Il mord vraiment dans une frange, on va dire, catholique. Oui. Un peu scout. Voilà, c'est un peu ça, sa marque de fabrique, c'est un peu ce qui le distingue des autres. Et pendant pendant l'occupation, quand il est engagé en 40, il est prisonnier de guerre, il revient. Donc il va relancer le francisme. Les Allemands vont donner l'autorisation à ce que son mouvement soit recréé. Et donc il va garder un petit peu cette identité-là, qui au début est assez anodine, quand on regarde les conférences des francistes en 40-41. D'ailleurs, il prétend ne pas faire de courbettes, il prétend rester patriote, il réclame même le retour de l'Alsace-Lorraine, donc vous imaginez en 41, et donc il se tient à l'écart de la LVF, la Légion des volontaires français pour lutter contre le bolchevisme, donc il tient une ligne un petit peu équilibrée, il essaye un peu de se situer. Alors il a peu de succès par rapport à Doriot et par rapport à Marcel Déat et le Rassemblement National Populaire, il n'a pas beaucoup de succès, mais il a une aura d'ancien combattant, et il est d'ailleurs l'un des rares ténors de la collaboration parisienne à être reçu à Vichy par le maréchal Pétain. Chaleureuse, dites-vous. Chaleureusement, ouais. Lui, Pétain, il a beaucoup de respect pour l'ancien combattant qu'il est. Et son mouvement est l'un des rares à être également autorisé en zone libre. Le francisme est à la fois en zone occupée et en zone libre, ce qui est un peu une exception dans les milieux collaborationnistes. On sait qu'à Paris, c'était une forme d'opposition à Vichy. Alors, qu'y a-t-il dans les racines à la fois étymologiques et politiques du mot franciste ? Alors, franciste, c'est un petit peu le mot génial. D'ailleurs, il n'est pas le seul à en avoir l'idée. En 1933, il y a un deuxième mouvement en France qui va être créé, qui va s'appeler franciste, deuxième mouvement francisme. En fait, c'est avoir un fasciste aux couleurs bleu, blanc, rouge. La France, le fascisme, francisme. Voilà, c'est une belle étiquette. Et on est vraiment dans le fascisme d'imitation. C'est-à-dire que Bucard reprend vraiment le modèle mussolinien, l'uniforme, le grand conseil franciste et non pas fasciste. Les mêmes idées, les mêmes thèmes, le corporatisme, le parti unique, etc., etc. Avec l'appui souhaité de l'Église catholique, j'imagine. Alors, l'idée, alors, il n'y a pas l'appui officiel de l'Église catholique, mais dans les thèmes qui sont mis en avant par Bucard, et c'est vraiment sa spécificité dans le fascisme français des années 30, il y a un spiritualisme très fort qui y a la volonté de vraiment fusionner un fascisme français avec un catholicisme très ancré, très puissant. Donc ça crée une sorte de mélange, de mixte un peu bizarre, où à la fois on va faire appel aux thèmes les plus classiques du fascisme, l'appel à la violence, un antiparlementarisme très fort, et une sorte de discours un peu naïf, un peu consensuel, où on appelle un peu à l'amour, l'union, tout le monde va s'unir. Donc vous voyez, c'est un peu ça le francisme dans les années 30. Et j'avais interrogé des enfants d'anciens militants francistes qui me disaient, mais mes parents, ils faisaient un peu ce qu'ils faisaient quand ils étaient chez les scouts. Donc vous voyez, c'est une sorte de scoutisme pour adultes à la sauce fasciste. Bien, Laurent Joly, on va continuer, après avoir écouté 3 minutes de musique, de parler de ces gens-là, et notamment d'un certain Paul Guiraud. You never like to get the gist of what my letters meant. You're reading them again, the ones you didn't burn. them to your lips. My pages of concern. I said there'd be no flood. I said there's nothing left. That you would come. I gave you my address. Your story was so long. The plot was so intense. It took you years to cross. Laurent Joly, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Les Collabos, 13 portraits d'après les archives des services secrets de Vichy, DRG et de l'épuration. Alors on a beaucoup parlé de Marcel Bucard et de son francisme, donc flanqué d'un certain Paul Guiraud que vous décrivez dans le chapitre de votre livre consacré au parti franciste comme philosophe chétif et péguiste dévoyé. Alors qui est cet homme et à quoi sert-il ? Alors cet homme, il est un peu la tête pensante. Dans tous les partis fascistes, vous avez toujours l'intellectuel de service. L'intellectuel de service auprès de Bucard, c'est pas un grand intellectuel, ça va pas être Drieu La Rochelle comme auprès de Doriot dans les années 30, ça va être ce pauvre Guiraud qui est un licencié de philosophie, qui est le fils de l'ancien rédacteur en chef de La Croix, donc il vient d'une grande famille catholique, donc vous voyez ce tropisme national catholique qui définit le francisme. Et donc, il est professeur dans l'enseignement catholique, il enseigne à Strasbourg, il va créer une section du francisme en 1934 à Strasbourg, il va monter comme ça progressivement dans le parti jusqu'à devenir le bras droit. Mmh. Et l'intellectuel, celui qui va rédiger les discours, celui qui va rédiger les brochures théoriques du parti. Alors quand on les lit, c'est assez consternant, hein, c'est très très faible d'un point de vue intellectuel, mais ça fait toujours appel à ces grandes idées dont je vous parlais, l'union, on va nettoyer les écuries d'Augéas, on va redresser le pays, on va remoraliser la nation, etc., etc. Et ce personnage-là, dès 1940, il va pousser Bucard à relancer le francisme. Bucard, au début, est un peu hésitant, parce que quand même, Bucard, c'est un poilu de la Grande Guerre. L'occupant, ça lui plaît pas trop. Mais Guiraud, il est, vous voyez, ce côté un peu idiot, il est pas très intelligent, donc il fonce, et il va vraiment pousser Bucard à relancer le francisme. Il va faire une brochure dès la fin de l'année 1940, et puis il va va organiser des réunions, il va relancer le mouvement. Et au bout du compte, quel est le rôle des francistes pendant la collaboration? Alors au début, ils ne servent pas à grand chose. Ils s'agitent, ils font des discours, ils font des conférences, ils n'ont d'ailleurs pas beaucoup de succès, mais ils ont quand même un noyau de militants. Ils ont à peu près 5000 personnes qui sont avec eux, et ils sont aussi très forts dans les groupes de jeunesse. Ils ont beaucoup, mais c'est un peu le côté scout. Donc ils ont beaucoup de jeunes. La plus de la moitié des adhérents, c'est des jeunes. Et ces jeunes, ils peuvent servir à quelque chose. Vous savez, les Allemands, ils n'ont pas beaucoup d'effectifs. La Gestapo, c'est pas beaucoup d'années, c'est quelques milliers de gens sous l'occupation. Donc, la Gestapo va beaucoup s'appuyer sur des jeunes fascistes un peu naïfs qui vont recruter. Et le francisme va basculer en 1943 et vont devenir des salariés, soit de la Gestapo, soit on va les pousser au début de l'année 1944 à rentrer dans la milice. Donc ces gens qui en 1940-1941 disaient « nous, on fait pas de courbettes, on se tient à l'écart de toute compromission », ils basculent. En l'espace de 2 ans, ils basculent et ce pauvre Guiraud va devenir une sorte de chantre de la guerre civile qu'il va théoriser de manière assez bête dans le journal du parti. Et alors, quel est... Donc on voit que l'itinéraire devient ouvertement collabo, hein, c'est clair. Et quelle est la fin des deux hommes? Comment... Alors évidemment, quand on les livre, on sait, mais on va faire comme si on n'avait pas lu. En tout cas, pour que les auditeurs découvrent la fin des deux hommes, Bucard et Guiraud. La fin, on va dire, c'est le cursus classique. Il fuit en Allemagne. Alors, comme d'habitude, Bucard, il essaie toujours de se situer un petit peu à part, un peu au-dessus de la mêlée, parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup d'effectifs avec lui. Donc, il est parti avec Guiraud et puis quelques centaines de francistes. Il s'installe à Baden-Baden. C'est évidemment Doriot qui tient un petit peu le jeu des collabos exilés. Donc, lui, il est un petit peu à l'écart. Et puis, la guerre se finit. Il fuit en Italie. Il veut partir en Espagne. Là, il est arrêté. Et donc là, retour en France. Procès, il est condamné à mort, Guiraud également, d'ailleurs, ils sont tous les deux condamnés à mort, Bucard est exécuté, et Guiraud, lui est gracié, et il va sortir de prison au bout de, je sais plus, 10 ou 15 années. Et vous montrez également dans votre livre que les seconds couteaux de la collaboration ont subi l'épuration, certes, mais sans toujours la payer de leur vie, continuant parfois leur combat après la guerre pour les cas les pires. Donc la collaboration et Vichy reste un thème très sensible, un passé qui ne passe pas, en tout cas pendant une époque, peut-être au moins les années 50. Oui, vous avez à un moment où on parlait assez peu de après la grande période de l'épuration, il y a eu, c'est presque normal et c'était inévitable, une volonté de réconciliation, donc des voies d'amnistie. Donc c'est pour ça que beaucoup de condamnés à des peines très sévères, ceux qui ont évité la condamnation à mort, s'en sont bien tirés, parce que toutes les condamnations à 15 ans de travaux forcés, 20 ans de travaux forcés, etc., perpétuité, comme pour Guiraud, ils ont été amnistiés autour de 53-54. Sauf ces gens, comme Jacques Vasseur, dont on a parlé, je crois, s'étaient cachés et donc étaient contumaces et ont dû purger après leur peine dans les années 60, mais qui étaient un peu des anomalies. Dans la France des années 60, les collabos prisonniers sont devenus très très rares. Donc, les derniers prisonniers, d'ailleurs Vasseur sera le dernier prisonnier, seront libérés en août, au début des années 80. Voilà. Et que ce Jacques Vasseur dont vous parlez s'est terré comme un rat chez sa mère pendant 20 ans. Il a fini par être quand même démasqué, délogé de sa souricière. Merci infiniment. Alors quand même, dans la quatrième de couverture de votre livre, la quatrième de couverture est blanche, mais il y a un bandeau, enfin un cadre de jolie couleur violette, peut-être pour qu'on voit mieux la phrase que vous donnez et qui résume tout. Ça dit... Le jeune Paul, on ne sait pas qui est Paul, mais peu importe, le jeune Paul rêvait de briller dans le monde des lettres et de la politique. La méritocratique Troisième République ne lui a pas donné cette chance. Le Troisième Reich d'Hitler, si. Et tout est dit, c'est vraiment la revanche ratée pour certains, réussie pour d'autres malheureusement, des déclassés. Merci. C'est la thèse du livre. C'est la thèse du livre, absolument. Merci infiniment Laurent Joly, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Marcel Bucard, Collabo. Une fiction écrite par Vincent Hazard, réalisée par Pascal Deux. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Rebecca Denante et réalisée par Anne Lioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Juliette Delperrault.